بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 58 dans l'explication du livre de l'imam As-Sabuni, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Et au dernier cours, on a lu la fin du chapitre de Khalq Af'al al-Ibad, création des actions des êtres humains ou des créatures. Et on a lu également deux autres chapitres, Al-Hidayatu min Allah, la guidance vient d'Allah, et Al-Khayr wa Shar, le bien et le mal. Et aujourd'hui, on va lire un autre chapitre également qui s'appelle Al-Mashi'a, c'est-à-dire la volonté d'Allah. Et il faut comprendre que les deux derniers chapitres, Al-Hidayatu min Allah, Wal-Khayr wa-Shar, ainsi que Al-Mashi'a, le Cheikh, il les a réunis les trois ensemble. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le sharh des deux autres, ni de Al-Mashi'a, individuellement. Il va les expliquer les trois en même temps parce qu'il y a un lien entre les trois de toute façon. Et ce ne sont pas des chapitres qui sont longs, ce sont des chapitres qui sont courts. Alors, il les a rassemblés les trois ensemble. Donc, on va lire ensemble, premièrement, Al-Mashi'a. Puis après, on va l'expliquer. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, Al-Mashi'a, il faut savoir qu'en arabe, il y a plusieurs façons pour mentionner la volonté. Il y a Al-Irada et il y a Al-Mashi'a. Al-Irada, la volonté, il y a Al-Iradatul Kawniya ou Al-Iradatul Shara'iya. Al-Iradatul Kawniya, c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal dans la création et dans qu'est-ce qu'il a prédestiné. Et Al-Iradatul Shara'iya, c'est la volonté d'Allah qu'on connaît par l'intermédiaire de sa révélation. La shara'iyya, c'est celle qu'on connaît par rapport à la révélation. Et ça, la shara'iyya, la volonté d'Allah qui est connue par la révélation, eh bien, elle ne comprend que ce que Allah aime. Tandis que al-iradatul kawniyya, la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination, eh bien, ça peut être ce que Allah veut, de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas aussi. Dans le sens que Allah Azza wa Jal permet parfois à certaines choses d'être ou d'exister, même s'il ne les aime pas, parce qu'il y a une sagesse derrière. Donc même si cette chose-là, par exemple la chose qu'il a prédestinée ou qu'il a créée, peut-être qu'il ne l'aime pas et peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais il l'a créé pour une bonne raison, pour une sagesse qui est bonne. Hein? Et donc, il a permis à cette chose d'exister, même si elle n'est pas bonne, mais le mal qu'il y a dedans n'est pas absolu. C'est-à-dire qu'il y a un bien derrière le fait que ce mal-là existe. Et ça, c'est Allah Azza wa Jal qui connaît la sagesse derrière. Et l'exemple de ça, c'est le fait que Allah Azza wa Jalla a permis que Iblis existe. Et il a permis également que, par exemple, les péchés existent et que le shirk et le kufr existent. Il a permis que les kuffars et les mushrikines existent. Pourquoi il a permis ça? Parce qu'il y a un plan, il y a une sagesse derrière. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça comme il faut. Tandis que Al-Mashi'a, eh bien, on peut dire que Al-Mashi'a, c'est un synonyme de Al-Iradatul Kawniya. Al-Mashi'a, il n'y a qu'une catégorie de Mashi'a, et c'est le synonyme ou c'est l'équivalent de Al-Iradatul Kawniya. D'accord? Donc, c'est comme la volonté d'Allah Azza wa Jalla dans la création. C'est comme quand on dit Masha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. D'accord? Donc il ne peut y avoir dans la création que ce que Allah a voulu. Donc on va expliquer ici qu'est-ce que Cheikh l'imam As-Sabuni a mentionné à ce sujet-là. Et puis on va expliquer après la suite les explications de Cheikh Rabi' à ce sujet. Donc il dit, l'imam al-Sabouni rahimahullah, wa kadhalika min madhhab ahl al-sunnah wal jama'ah, anna Allah jalla wa ala مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها ولم يؤمن أحد به إلا بمشيئته لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء لا يعصى أو لا يعصي ما نعم ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته أراد كل ذلك وشاءه وقضاه يرضى الإيمان والطاعة ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Donc ici l'imam al-Sabouni il résume hein, tout ce qu'on a expliqué. Il dit, c'est ainsi que la position des gens de la sunna et de la jama'a, ahlus sunnati wal jama'a, que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a voulu les œuvres de toutes les créatures, que ce soit du bien ou que ce soit du mal. Et donc, il n'y a personne qui a eu la foi, excepté que c'était par sa volonté. Et il n'y a personne qui a renié la foi, excepté que c'était par sa volonté. Et si Allah Azza wa Jal aurait voulu, il aurait fait de tous les hommes une seule communauté, une seule umma. Comme il mentionne dans d'autres versets, il y en a Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'an. Il dit, si ton Seigneur l'aurait voulu, tous hein, ceux qui sont sur terre auraient cru. Hein, sans exception. Donc, s'il y a des hommes qui n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal qui a prédestiné ça et c'est lui qui l'a voulu. Et il dit, et si Allah Azza wa Jal n'aurait pas voulu être désobéi, c'est-à-dire s'il n'aurait pas voulu qu'on lui désobéisse, eh bien, il n'aurait pas créé Iblis. Il n'aurait pas créé le shaitan. Hein? Et la mécréance des mécréants, la foi des croyants, yani l'athéisme des athées, hein, ou bien la déviation de ceux qui ont dévié au sujet de la foi en Allah, l'unicité de ceux qui ont unifié Allah Azza wa Jal et qui ont cru en son tawhid, donc le tawhid des gens du tawhid, l'obéissance des gens qui obéissent, et la désobéissance des pécheurs, tout ça, c'est par le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et par sa prédestination. Il n'y a rien de cela qui peut se produire sans qu'il l'ait voulu, sans qu'il l'ait prédestiné, sans qu'il l'ait décrété. Donc c'est lui qui l'a voulu, et c'est lui qui l'a, hein, qui l'a prédestiné. Et il dit, « Arada kullu dhalika wa sha'ahu wa qadahu » Il a voulu cela, et en arabe, il mentionne le cheikh aradahu wa sha'ahu wa qadahu. Aradahu wa sha'ahu, on peut dire que en français c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la même signification. Arada, il a voulu. Sha'a, il l'a voulu. Ces deux verbes différents en arabe, mais qui veulent dire en français la même chose. Hein? Des fois, certains ils font la nuance entre la volonté et le vouloir. Mais ça ne donne pas vraiment une grande différence. C'est presque des synonymes. La volonté et le vouloir, c'est la même chose. Ala kulli hal, en arabe, on distingue entre al-irada wal-mashi'a. D'accord? Et qadahu, c'est-à-dire qu'il l'a ordonné, qu'il l'a décrété. Donc, tout ce qui arrive dans la création, c'est Allah qui l'a voulu, c'est lui qui l'a décrété. Et il dit, tandis que la foi et l'obéissance, il en est satisfait. Et tandis que la mécréance et la désobéissance, il n'en est pas satisfait. C'est-à-dire, si c'est de la foi et de l'obéissance, il l'aime et il est satisfait de ça. Si c'est un péché de la désobéissance, il se met en colère contre ça et il déteste ça. D'accord? Et il cite à ce sujet-là un verset dans Sourate. C'est quoi ça? C'est Sourate Fatir, à la fin. Allah Azzawajal, il dit: In takfuru, fa inna Allaha ghaniyun ankum. C'est-à-dire, si vous reniez la foi, eh bien, sachez que Allah Azzawajal n'a aucun besoin de vous, il se suffit à lui-même. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Et il n'est pas satisfait. Yani, non, ça c'est dans, je m'excuse, j'ai dit dans Sourate Fatir, mais c'est dans Sourate Az-Zumar. C'est dans Sourate Az-Zumar. In takfuru, c'est le verset 7. Dans Sourate Az-Zumar. In takfuru, fa inna Allaha ghaniyun ankum. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas, si vous reniez la foi, si vous faites le kofr, Allah se passe largement de vous. Parce qu'il est ghani, il se suffit à lui-même, il est riche. Hein, il n'a pas besoin de personne, ni de rien, ni de quoi que ce soit. Et il n'est pas satisfait de la mécréance de son serviteur. C'est-à-dire que si son serviteur est mécréant et qu'il renie la foi, il n'est pas satisfait de cela. Parce qu'il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, Yardahu lakum. Il est satisfait de cela pour vous. C'est-à-dire qu'il agrée la reconnaissance. Donc ça, c'est la preuve, hein, que Allah Azzawajal, pour lui, l'obéissance et la désobéissance, c'est pas pareil. Hein. Mais les gens de Bid'a, par exemple, les Jahmiyyah, hein, ou les Mu'tazila, ou les Asha'ira, même les Asha'ira en particulier, ils ne croient pas que Allah Azzawajal a comme attribut l'agrément ou la colère ou le fait de détester. Ils disent non, on ne peut pas attribuer ça à Allah parce que ça, c'est des caractéristiques qui existent chez l'être humain. Donc, puisque ces caractéristiques-là existent chez l'être humain, si on les affirme et qu'on les attribue à Allah, ça représente une forme de ressemblance ou d'anthropomorphisme. Comme si on essaie de faire ressembler Allah à sa créature. Or, nous, on dit non, c'est faux. Pourquoi? Parce que Allah, premièrement, Allah Azzawajal, c'est lui-même qui s'est attribué ces attributs-là. Et Allah Azzawajal, il a clarifié que il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir. Donc, ça veut dire que si il s'est affirmé l'agrément, la colère, ou le fait de détester ou d'aimer, eh bien, il faut comprendre que son amour, sa colère, n'est pas comme celle des créatures. Elle est différente, elle est parfaite, elle est complète, contrairement à ces attributs-là chez les créatures. D'accord? Donc, le fait qu'il se les affirme à lui-même n'implique pas du tout une ressemblance avec sa création. Même si c'est le même attribut en apparence qui est attribué. Mais la réalité de cet attribut-là chez l'homme ou chez les créatures n'est pas la même que la réalité de cet attribut-là chez le créateur. Parce que l'attribut du créateur correspond à sa perfection, tandis que l'attribut des créatures correspond à la créature. Donc ça, c'est important pour comprendre. Pourquoi? Parce que les gens de Bid'a, justement, eux qui ont refusé d'affirmer ces attributs-là à Allah, qu'est-ce qu'ils disent à la place? C'est-à-dire, au lieu de dire que Allah aime ou que Allah déteste ou qu'il a agréé ou qu'il a détesté ou qu'il s'est mis en colère, ils disent quoi? Ils disent tous ces attributs-là sont interprétés par la volonté. Tous ces attributs-là sont chez eux interprétés par la volonté. Et ça, c'est une contradiction en soi aussi, parce que si tu dis que tu ne veux pas affirmer à Allah la colère et l'amour ou l'agrément, alors pourquoi tu lui affirmes la volonté, puisque la volonté existe aussi chez les créatures? Hein? Et là, ils vont dire, non, mais la volonté d'Allah, c'est pas comme la volonté des créatures. Alors, dans ce cas-là, on leur dit, ah ben, c'est quoi la différence? Hein? Vous revenez au même argument. Exactement. Et en plus de ça, on leur dit, si vous dites que l'agrément équivaut à la volonté, donc ça veut dire que Allah Azzawajal, quand il a agréé, quand il a voulu, hein, quand il a voulu la désobéissance et le péché, ça veut dire qu'il l'a agréé. Ça c'est grave de dire ça. Hein? Parce qu'il y a une différence entre dire qu'il l'a voulu et entre dire qu'il l'a agréé. Hein? Ou de dire qu'il l'a voulu et qu'il est en colère contre cette chose. Et eux, ils ne font pas cette nuance-là ou cette distinction-là parce qu'ils renient les attributs d'Allah Azzawajal. Non. J'ai entendu que le mal n'est pas attribué à Allah. En fait, le mal, il n'est pas attribué à Allah par politesse, par respect. Hein? Comme on dit, washar laysa ilayk. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le dua, washar laysa ilayk. On n'attribue pas le mal à Allah. Pas parce que c'est pas Allah qui l'a créé, par respect pour Allah. Hein? C'est comme quand tu vas faire un dua, tu vas pas dire, oh toi, le créateur des porcs et des saints ou des impuretés ou des choses, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est pas une façon respectueuse de le glorifier. Hein? C'est pas de cette façon-là qu'on glorifie Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal, il a créé le porc et le singe et toutes ces créatures-là de la meilleure façon, hein? Mais en même temps, il a créé ces choses-là. Il y a une sagesse derrière leur existence. Même s'il nous l'a interdit, le porc, il nous a interdit de le manger, hein? Il nous a interdit de le manger ou de... Il nous a mentionné que c'est un animal qui est impur. Hein? Donc quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi Allah l'a créé alors? Eh bien, il crée ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et on n'a pas le droit de le questionner sur la sagesse ou la raison pourquoi il a fait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait et il sait pourquoi il l'a fait. Exactement. Donc quand comme le frère il mentionne, quelqu'un pourrait poser la question, mais pourquoi, comment Allah il s'élève sur le trône? Ou pourquoi il s'élève sur le trône? On n'a pas le droit de poser ce genre de questions-là. Hein? La seule chose que nous, on a le droit de faire, c'est de croire et d'affirmer et de se soumettre. Et c'est tout. Hein? Parce que Allah Azzawajal, il fait ce qu'il veut. Fa'alul lima yurid. Hein? C'est ça. Exactement. On n'a pas à le questionner. C'est lui qui va nous questionner. Parce que c'est lui notre créateur. Donc, je me souviens pas si c'était une parole dans les évangiles qui étaient attribués à Isa, alayhi salam. En tout cas, ça disait, comme si en voulant dire, est-ce que le marteau va dire à celui qui l'a fabriqué, pourquoi tu m'as créé? Hein? Ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est un instrument. Hein? Que tu as créé, si l'instrument que tu as créé commence à te poser des questions, pourquoi tu m'as fabriqué, hein? Ça fait pas de sens. Tu comprends? Donc, non. Ok. Donc, on va lire maintenant le charh de Cheikh Rabi à ce sujet-là. Et on va essayer de voir un peu plus en profondeur la signification de tous ces sujets-là dont on a parlé au dernier cours et également aujourd'hui. Donc le cheikh dit: هذه الفصول كلها مرجعها إلى بحوث القدر والإيمان به ومواقف الناس من الإيمان بالقدر أو الكفر به أو نفيه وهذه المسائل يختلف فيها أهل السنة وفرق الضلال. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع، يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، قدرهما الله سبحانه وتعالى وخلق العباد وأفعالهم وأعمالهم، وشرع تشريعات يجب الإيمان بها والالتزامها يجب والتزامها كما يجب الإيمان بالقدر. فآمن أهل السنة بالقدر ومستلزماته وآمنوا بالشرع، فجمعوا بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع والعمل به. وخالف أهل السنة في هذا الأصل من أصول الإيمان القدرية، وهم أصناف، وذكرهم علماء السنة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فمنهم القدرية النفاة الذين يؤمنون بالشرع، يعني بالأوامر والنواهي والوعد والوعيد، ولكن لهم فيها فقه ومنهج منحرف يخالف منهج أهل السنة والجماعة. هم يوجبون على الله تبارك وتعالى أن يعاقب من يستحق العقوبة وليس له أن يعفو، وأن يثيب من يستحق الثواب، يعني إيجابا لا فضلا منه. فهؤلاء نفاة القدر المشهورين كالمعتزلة ومن وافقهم من الخوارج والروافض والشيعة وغيرهم من الفرق، ينفون القدر ولا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، ولا يعترفون بأن الله خالق لأفعال العباد، وعارضوا بذلك نصوص الكتاب والسنة. فهم يرون الشرع ويحترمونه ويعظمون نصوص الوعيد، ولكن غلوا في نفي القدر وفي إثبات أفعال العباد وإسنادها إلى العباد أنفسهم، حتى اعتقدوا أن العبد يخلق أفعال نفسه. Donc on va traduire ce passage-là. Le cheikh explique que dans ces différents chapitres qu'on a lus, ces différentes sections qu'on a lues, les trois dernières, il y a des questions qui sont reliées à la prédestination et à la foi en la prédestination, al-qadar. Et la position des différents groupes au sujet de la foi en le qadar, ou le fait de renier le qadar et de rejeter le qadar. Donc il dit, ces questions dont on a parlé dans les différents chapitres précédents et celui-ci, eh bien, c'est des choses sur lesquelles il y a des divergences entre les gens de la sunna et les sectes d'égarement. Donc les gens de Ahl Sunna wal Jama'a, eux, ils croient en la prédestination d'Allah. Et ils croient aussi en la révélation et la législation divine. C'est-à-dire qu'ils croient en ces deux choses-là, le qadar et la révélation ou la législation divine. Et ils ne les mettent pas les deux en opposition l'une contre l'autre. Hein? Tandis que d'autres sectes, ils mettent le qadar en opposition avec shara, avec la révélation ou la législation. Hein? Et ou bien ils utilisent l'un contre l'autre. Alors que ça, c'est... que c'est, ça amène à des égarements et à toutes sortes de contradictions. Donc on va voir quelques exemples à ce sujet-là. Donc le cheikh, il dit, premièrement, les gens de la sunna, ils croient donc en le qadar. Et ils croient en ce que Allah a prédestiné de bien et de mal. Et que tout vient d'Allah. Hein? Tout ce qui a été prédestiné, que ce soit bien ou mal, c'est Allah Azzawajal qui l'a prédestiné. Et c'est lui qui a également créé les actions et les œuvres des créatures. Et c'est lui en même temps aussi qui a légiféré les lois et les règles religieuses et qui a rendu obligatoire de croire en ces règles-là et de les respecter. Donc c'est obligatoire de les respecter également. Et c'est obligatoire également de croire en la prédestination. Donc les gens de la sunna ont cru au qadar et en tout ce qui est impliqué par le qadar, et ils ont cru également en la législation divine et la révélation. Et donc ils ont réuni entre ces deux choses-là, la foi en la prédestination et la foi en la loi révélée, la législation divine, et le fait de d'être obligé de la mettre en pratique, c'est-à-dire l'obligation et l'ordre de mettre cette législation et cette révélation en pratique. Tandis que les gens de Bid'a, parmi des différentes sectes, ont contredit les gens de la Sunna sur ce fondement-là, parmi les fondements de la foi. Entre autres, ceux qui ont dévié à ce sujet-là, on compte Al-Qadariya. On a parlé des Qadariya et on a expliqué que ce sont ceux qui renient la prédestination. Et il y a différentes catégories parmi les Qadariya. Donc, on va mentionner différents groupes tels que des ulama de la Sunna les ont ramenés ou les ont mentionnés, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et l'imam Ibn Al-Qayyim également. Ils ont mentionné les différents groupes ou les différentes catégories des Qadariya et des gens qui renient le Qadar. Parmi eux, il y a Al-Qadariyatun Nufat, c'est-à-dire les négateurs de la prédestination. Et eux, ils disent, on croit en la révélation, en la législation divine, c'est-à-dire ils disent qu'ils croient aux ordres et aux interdictions, à la menace et à la promesse et à la menace. Ils disent sauf qu'ils ont une compréhension et une méthodologie déviée à ce sujet-là. Et le cheikh, il explique, c'est quoi cette méthodologie déviée avec laquelle ils contredisent les gens de Ahl Sunnah ou par lequel ils contredisent la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et leur compréhension déviée, c'est la suivante. Ils obligent à Allah de punir celui qui mérite la punition du moment qu'il a commis un péché. Et c'est-à-dire que pour eux, Allah n'a pas le droit de pardonner à ces gens, à ceux qui ont commis des péchés qui font en sorte qu'ils méritent un châtiment spécifique ou quelconque. D'accord? Donc si par exemple dans un verset ou dans un hadith, il y a une menace qui est mentionnée pour un péché quelconque, eh bien eux, ils considèrent que cette menace-là est exécutable et exécutée obligatoirement par Allah, en voulant dire que du moment que tu l'as fait, ça y est, c'est fini pour toi. Cette menace-là, elle doit être appliquée. Et ils oublient que Allah Azzawajal, il peut pardonner, il peut épargner cette personne si elle se repent ou si elle se rachète en faisant des bonnes œuvres ou des choses comme ça. Et eux aussi, ils considèrent que il doit obligatoirement récompenser celui qui mérite la récompense. C'est-à-dire quand ils disent qu'il mérite cette récompense, c'est-à-dire non pas par sa grâce, mais c'est une obligation pour lui. Donc ils imposent ça à Allah comme si c'était une obligation pour lui. Alors qu'on sait très bien que personne ne peut obliger Allah Azzawajal à faire quoi que ce soit. Et que c'est lui qui décide et que c'est lui qui fait ce qu'il veut selon sa sagesse, et selon sa science. Et donc, qui veut empêcher, c'est comme s'il voulait empêcher Allah Azzawajal de manifester son pardon et sa miséricorde ou sa grâce envers les créatures. Et ils veulent essayer d'imposer à Allah Azzawajal des choses. Et des fois, quand tu entends ou quand tu regardes comment ces gens-là parlent, on dirait qu'ils sont en train de parler des lois mathématiques à propos d'Allah. Comme si en voulant dire que c'est un programme et il faut respecter ce programme et ce programme-là. Il fonctionne selon ces règles-là, et donc Allah doit respecter ces règles. Ouais, non, c'est grave. C'est grave la façon dont il parle. Exactement. Donc, comme tu dis, ça c'est une référence, même c'est une preuve contre les Khawarij et les Mu'tazila et les Qadariya. Ils font partie des Wa'idiyya. Al Wa'idiyya, on inclut les Khawarij et les Mu'tazila ensemble. Les Khawarij et les Qadariyya ensemble font partie de cette catégorie de Al-Wa'idi, ceux qui, si quelqu'un commet un péché et considère qu'il va aller en enfer pour l'éternité. Bon, les Khawarij, eux, ils ont une petite différence avec les Qadariyya, c'est que les Qadariyya, eux, ils disent que, ou bien plutôt les Mu'tazila, disent que si quelqu'un commet un grand péché, il est, comme il dit, dans un degré ou un état entre les deux, entre la foi et la mécréance. Donc il n'est pas musulman et il n'est pas mécréant. Il est entre les deux, dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, c'est-à-dire quand il meurt, il va en enfer pour l'éternité. Tandis que les Khawarij, ils disent non, il est directement en enfer. Depuis qu'il commet le péché, il devient mécréant. Et dans l'au-delà, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Donc les Khawarij et les Mu'tazila, ils se rejoignent sur cette croyance-là par rapport à l'au-delà. Et le cheikh explique donc que les négateurs du qadar, qui sont les plus célèbres ou les plus connus, sont, comme on a dit, les Mu'tazila, parce qu'eux, ils nient le qadar. Et ceux qui sont en accord avec eux parmi les autres sectes, comme par exemple les Khawarij et les Rawafid et les Shia. Donc toutes ces sectes-là font partie des Qadariyah. Ils nient la prédestination et ils n'entrent pas les actes, ils ne font pas rentrer les actes des êtres humains sous la volonté d'Allah. Ils ne considèrent pas que les actions des créatures entrent sous la volonté d'Allah Azzawajal. Et ils ne reconnaissent pas non plus que c'est Allah Azzawajal qui a créé les actions des êtres humains. Et donc, en agissant ainsi, ils ont opposé de nombreux textes du Coran et de la Sunna. Et ils considèrent que ils respectent la loi législative ou la législation islamique, la révélation, et qu'ils respectent les textes de la menace de l'enfer. Sauf que le cheikh, il explique que ces gens-là, en réalité, ils ont exagéré au point de nier la prédestination et au point d'affirmer que les actes des serviteurs, c'est eux-mêmes qui les ont créés. Donc, ils reconnaissent que les actions des serviteurs sont attribuées aux serviteurs eux-mêmes, mais ils croient que c'est eux-mêmes qui créent leurs propres actions. Alors qu'il y a seulement un créateur dans l'univers, c'est Allah. Et Allah, il dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est-à-dire, Allah vous a créé et ce que vous faites. D'accord? Donc, ça, c'est la preuve. Donc, ensuite, le cheikh, il mentionne d'autres groupes de qadariyah. Il dit, ومنهم القدرية المشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا إلى أن يقول قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فيحتجون بالقدر ضد الشرع ويقولون إن الله راض عن الحال التي نحن عليها من الكفر والضلال والفجور ولو كان غير راض بها لما أقرنا عليها ولا وفقنا للإيمان فإقراره وإبقاؤه لنا على الشرك وكونه لم يغير حالنا دليل على أنه راض بها وهؤلاء الشر من القدرية النفاة إذ النفاة إن نفوا القدر لم يقولوا بخلق أفعال العباد تنزيها لله وهم ضالون في هذا ولكن هم مع ضلالهم هذا أحسن حالا من هؤلاء القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على الشرع ويعتبرون أن الله راض بكفرهم وشركهم لأنهم يحترمون الشرع ويعظمون نصوص الوعيد. Donc ici il y a un autre exemple des groupes de Qadariya, c'est al Qadariya al Mushrikiya, c'est-à-dire les Qadari mushrikin, ou qui font le qadar à propos du. Ils utilisent l'argument du qadar pour justifier leur shirk. Ils utilisent le qadar pour essayer de justifier leur shirk ou leur kufr. Et ils citent comme exemple le verset 148 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah Azzawajal, il mentionne l'argument des mushrikines, et la réponse qu'il a donnée à leur argument, à leur faux argument. Donc il dit que les mushrikines ont dit, si Allah aurait voulu, nous n'aurions pas fait le shirk, ni nous, ni nos ancêtres. Et nous n'aurions rien interdit, de nous-mêmes. On n'aurait rien rendu haram, des choses qu'on a rendues haram. Et il dit, Allah Azza wa Jal, il répond en disant, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. C'est ainsi qu'ont menti ceux qui étaient avant eux, jusqu'à ce qu'ils goûtent, à notre force, jusqu'à ce qu'ils soient saisis par Allah Azza wa Jal et par son châtiment. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal mentionne dans le verset suivant, dit, ô Muhammad, c'est à Allah qu'appartient l'argument le plus fort. Et il dit, s'il aurait voulu, il vous aurait tous guidés, effectivement. Et il y a d'autres versets dans ce sens-là dans le Coran. Par exemple, dans Sourate Az-Zukhruf, Allah Azza wa Jal, il dit au sujet des mushrikins, وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. Si Allah, le tout miséricordieux, aurait voulu, on ne les aurait pas adorés, les idoles. Et même qu'ils utilisent ça, l'argument du qadar, même pour justifier leur avarice et leur cupidité, le fait qu'ils ne veulent pas donner aux pauvres ou aider les pauvres. Et on voit cet exemple-là, je crois que c'est dans Sourate Yassine. وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il mentionne dans Sourate Yassine, il mentionne que les gens qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, allons-nous nourrir ceux que si Allah aurait voulu, il les aurait nourris lui-même. C'est le verset 47 dans Sourate Yassine. Et le verset au complet, ça dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc ça veut dire, quand on leur dit, dépensez de ce que Allah vous a donné. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, allons-nous nourrir quelqu'un que Allah, s'il aurait voulu, l'aurait nourri lui-même? En voulant dire, si Allah aurait voulu le nourrir, ce pauvre, il l'aurait nourri lui-même. Donc nous, on n'a pas besoin de dépenser pour lui. S'il est pauvre, c'est parce que Allah a voulu qu'il soit pauvre. Donc on n'a pas à lui donner. Ils essaient d'utiliser le qadar pour justifier leur avarice. Parce que c'est qui leur a ordonné de donner? C'est Allah. Donc eux, ils utilisent le qadar contre la révélation. La révélation dit donner aux pauvres. Eux, ils utilisent le qadar, ils disent, ben, puisque Allah les a créés pauvres et qu'ils sont pauvres, si Allah aurait voulu, il les aurait donné de l'argent ou des choses à manger. Donc, s'il ne leur a pas donné, c'est parce qu'il ne voulait pas. Et donc, nous, on n'a pas à leur donner. Et les autres qui disent, si on fait le shirk, mais c'est la preuve que Allah a voulu. Parce que s'il ne voulait pas, on ne l'aurait pas fait. Ils utilisent la prédestination comme argument contre la révélation. Pourquoi? Parce que la révélation, elle est claire sur ça. Les messagers sont descendus et les livres ont été révélés pour interdire le shirk. Et mentionner que celui qui fait le shirk, il a la menace de l'enfer. Donc, comment toi tu viens puis tu dis, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk. Allah, il a déjà dit qu'il ne voulait pas que vous fassiez le shirk, puisqu'il l'a mentionné à travers ses messagers et par sa révélation. Donc, comment vous essayez d'utiliser le qadar contre la révélation? C'est là qu'il y a une contradiction de la part de ces qadariyas. Et ça, c'est comme le cheikh l'a expliqué, al-qadariyatul mushrikiyya. Et il dit donc qu'ils utilisent le qadar contre la révélation. Et ils disent, Allah est satisfait de notre état dans lequel nous sommes, comme de mécréance et d'égarement et de perversité et de shirk. Parce qu'il dit, s'il n'était pas satisfait de notre état, il ne nous aurait pas laissé sur cet état-là et nous laisser continuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il nous aurait donné la foi, il nous aurait guidé à la foi. Hein? Donc, le fait qu'il nous laisse dans la mécréance et dans le shirk, hein, eh bien, ça veut dire que puisqu'il n'a pas changé notre état, c'est la preuve qu'il est satisfait de nous tel qu'on est. Hein? C'est comme des gens qui ils font des péchés ou des crimes, hein, et qui essaient d'utiliser ça comme argument. Hein? Ou c'est comme des gens, j'ai déjà entendu ça, des gens qui disaient que si Allah a créé, par exemple, les plantes comme les plantes de la cocaïne, la plante de la coca, ou bien la plante de marijuana, c'est lui qui l'a voulu. Donc, ça veut dire que c'est permis. Et s'il a créé le porc, eh ben, c'est la preuve que c'est permis, puisque si c'était interdit, il ne l'aurait pas créé. Vous voyez, donc c'est ça, ces gens-là, ils utilisent le qadar comme argument contre la révélation. C'est comme si, d'un côté, c'est vrai, ouais, c'est vrai mais en même temps, eux, dans quel sens ils veulent dire ça? C'est par exemple, si quelqu'un rentre en prison, bon, c'est différent d'une personne à l'autre. Par exemple, Youssouf alayhi salam, il est rentré en prison. Allah lui a prescrit, il lui a prédestiné la prison. Est-ce qu'il méritait la prison? Non. Hein? Parce que c'est une injustice qui lui a été faite. Mais celui qui mérite la prison parce qu'il a fait des crimes, qu'il a désobéi à Allah, ou qu'il a contredit l'islam, le Coran et la Sunna, et là on le met en prison. Là toi tu dis, Allah lui a prédestiné la prison. C'est vrai qu'il lui a prédestiné la prison. Mais est-ce qu'il est satisfait? Est-ce que Allah aime le crime? Non. Est-ce qu'il est satisfait du criminel? Non. Donc il faut être, hein, il faut comprendre ici les nuances là, pour éviter justement de tomber dans l'égarement sur ces questions là. C'est comme quelqu'un qui, alaykoum salam, quelqu'un qui fait le zina ou qui fait le péché, un péché quelconque. Il dit, ah mais Allah il l'a prédestiné. Oui c'est vrai, Allah il l'a prédestiné. Parce que tout ce qui arrive dans la création est prédestiné. Mais est-ce qu'il est satisfait de ce péché-là? Non. Il l'a interdit. Et il a mentionné le châtiment de celui qui le fait. Et la menace, hein, qui lui revient s'il le fait. C'est à 8h30, hein, la salat? Ah, 45. Ok, d'accord. Donc il nous reste du temps encore, Inch'Allah. Naam. Donc où est-ce qu'on est rendu maintenant? Donc c'est ça. Donc le cheikh il dit que ceux-là, les qadariyas al-mushrikiyas, ils sont plus mauvais que les qadariyas nufat, c'est-à-dire les négateurs du qadar qu'on a mentionné en premier. Ils sont plus mauvais que eux. Pourquoi? Parce que les négateurs du qadar qu'on a mentionné en premier, eux, ils ont renié le qadar, mais ils n'ont pas dit, c'est ça, ils ne disent pas que Allah crée les actions des serviteurs. Pourquoi ils ne disent pas? Hein? Ils ne disent pas ça parce qu'ils veulent purifier Allah des actions que c'est-à-dire purifier Allah d'avoir créé les actions des êtres humains qui font des péchés. En voulant dire, mais non, on ne peut pas dire que Allah a créé les péchés que les hommes font. Hein? Et donc, eux, ils ont tort dans ça. Parce que Allah Azzawajal, il a tout créé, les actions des hommes, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Hein? Des fois, tu parles avec des chrétiens, tu leur poses cette question-là, ils sont confus. Ils savent pas quoi répondre. Tu leur dis, est-ce que c'est Allah qui a créé, par exemple, tout ce qui existe? Ils vont dire oui. Mais là, si tu leur dis, ouais, ok, donc même les armes, les missiles, les bombes nucléaires, c'est Allah qui a créé ça. Et là, ils disent, non, non, ça, c'est pas Allah, ça, c'est le diable. Mais est-ce que le diable peut créer? Non, le diable peut rien créer, c'est Allah qui a tout créé. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Tout ce qui existe, Allah Azzawajal, c'est lui qui l'a créé. Comme il dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Mais ça ne veut pas dire que Allah aime ce que vous faites si c'est en contradiction avec ce qu'il a révélé. D'accord? Donc, les Qadariya, eux, les premiers qu'on a mentionnés, An-Nufat, eux, ils refusent d'attribuer ou de dire que les actions que les créatures font, c'est Allah qui les a créées, parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, ils purifient Allah Azzawajal. Il dit, mais malgré leur égarement dans ça, ils ont un état qui est meilleur que celui des Qadariya, al-Mushrikiya, qui eux utilisent le Qadar comme argument contre la révélation. Et ils considèrent que quand ils font du shirk, que Allah est satisfait du shirk qu'ils font. Parce qu'ils disent, nous, on respecte hein, la révélation et on vénère ou on respecte les textes de la menace. Et le cheikh, il dit, وَيَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الشُّبْهَةِ الْبَارِدَةِ الَّتِي تَوَارَثُوهَا وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ شَاءَ لَنَا هَذِهِ الْأَفْعَالُ وَأَرَادَهَا وَمَشِيئَتُهُ لَهَا وَإِرَادَتُهُ لَهَا دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ بِهَا بأن هناك فرقا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وأنه لا تلازم بين الإرادتين فقد يشاء الله ما يبغضه ويكرهه كإبليس وأهل الكفر وأهل الظلم وظلمهم وما شاكل ذلك وهذه شاءها الله ولكنه يبغضها وقد يحب ما لا يشاء كونه مثل إيمان الكافرين وطاعة العاصين فهذه يحبها الله ولكنه لم يشأها فالله يحب من الخلق جميعا أن يطيعوه وإذا أطاعوه رضي عنهم وأحبهم على طاعتهم يحب الإيمان من الكافرين والطاعة من العصاة ولكنه ما شاءها كونا وإن أرادها شرعا فلا تلازم بين الإرادتين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية لأن الله قد يحب شيئا ولكن لا يشاؤه سبحانه وتعالى وقد يشاء ما لا يحبه كخلق إبليس وخلق الكافرين وأفعال الكافرة إذ لا تلازم بين الإرادتين وهؤلاء لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وأنه لا تلازم بينهما فهذا رد على هذه الفرقة الضالة منهم المشركون الخلص الذين احتجوا بمشيئة الله على أن الله راض بأفعالهم وشركهم ومنهم أهل الضلال من الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر وإثبات مشيئة الله تبارك وتعالى وعليكم السلام ونفوا عن العباد أفعالهم وقالوا الأفعال هذه أفعال الله كلها والله يشاءها ويحبها ويرضاها وهذا ضلال أشد من ضلال القدرية النفاة. Donc ici on va donc je vais traduire ça après je pense qu'on n'a pas le temps de lire la suite. Si on a le temps, on va lire un paragraphe encore. Mais ça, c'est un sujet dont j'ai parlé au début. C'est-à-dire que pour répondre à cette shubha de la part des Qadariya, il faut comprendre que, yani, c'est qu'est-ce que j'expliquais au début, la différence entre al-iradatul kawniya ou al-iradatul al-shara'iya. Donc, Le cheikh, il dit que la choubha que eux, les Qadariyas, se sont hérités entre les uns après les autres, génération après génération, c'est que Allah Azzawajal a voulu pour nous ces actions-là. Hein? Et ils disent que puisqu'il l'a voulu, eh bien ça c'est la preuve qu'il est satisfait de qu'est-ce qu'on fait. Hein? Parce que, en fait, ils ne distinguent pas entre la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination et la volonté d'Allah Azzawajal dans la religion et dans la révélation. Donc il y a une différence entre les deux. Mais eux, ils ne font pas cette distinction-là. Ils considèrent que tout ça, c'est al-kawniyya. Tout ça, c'est kawni pour eux. D'accord? Donc, ce qui fait que le cheikh, il explique, il dit, c'est-à-dire qu'il ne distingue pas entre la volonté d'Allah dans la création et la prédestination et la volonté d'Allah Azzawajal dans la révélation et dans la religion. Et qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que c'est une volonté n'implique pas nécessairement l'autre. Donc c'est ça qu'on dit quand il n'y a pas de la talazum. C'est-à-dire l'une n'implique pas nécessairement l'autre. D'accord? Donc il explique ici que Allah Azzawajal, c'est possible qu'il veuille ce qu'il n'aime pas et ce qu'il déteste. Comme par exemple, Allah Azzawajal a voulu que Iblis existe. Mais il n'aime pas Iblis. Il déteste Iblis, le shaitan. Et il n'aime pas les kuffars et les gens qui font le kufr. Et les mushrikines et les gens qui font le vol, qui font l'injustice. Et il n'aime pas l'injustice. Mais il a voulu que ça existe pour une sagesse que lui, il connaît. Hein? Pourquoi il a voulu que Iblis existe? Il y a une sagesse derrière l'existence de Iblis. Allah, il l'a créé pour une raison. Une sagesse qui est bonne. Peut-être que nous, on n'arrive pas à comprendre la sagesse qu'il y a derrière cette existence-là. Mais lui, Allah Azzawajal, il sait pourquoi Iblis existe. Et qu'il y a un bien derrière son existence. Et que ça fait partie de son plan. Ça fait partie de son test pour les créatures. Mais je pense pour nous qu'il va nous tester. Ben, c'est C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, s'il ne l'avait pas créé, il n'y aurait pas de test. Hein? Donc il y a une sagesse dans le fait qu'il existe et dans le fait que les péchés existent et l'injustice et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il est satisfait de ça ou qu'il aime ça. Mais eux, les Qadariyas, ils ne font pas cette distinction-là. Ils considèrent que si ça existe, ça veut dire qu'Allah l'aime et qu'il est satisfait de ça. Hein? Donc Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit, c'est possible donc qu'il veuille quelque chose qu'il n'aime pas et qu'il déteste. Et il dit, il a voulu l'existence de ces choses-là, l'Iblis, le kofr, le dhulm, et ainsi de suite, alors qu'il les déteste. Et il dit, c'est possible qu'il aime quelque chose qu'il n'a pas voulu. Hein? Et il donne l'exemple, la foi des mécréants, ou l'obéissance des désobéissants, des pécheurs. C'est-à-dire que Allah Azzawajal, il aimerait de toutes les créatures sur terre qu'ils soient croyants. Et il aimerait de tous les hommes qu'ils soient tous obéissants. Mais il n'a pas voulu ça. Il ne l'a pas voulu pour une sagesse, hein, que lui seul sait. Parce que si les êtres humains ils vont pas faire des péchés, ils vont pas se repentir. Ils vont pas pouvoir se repentir. Et Allah Azzawajal va pas manifester son pardon et sa miséricorde. Hein? Donc il y a une sagesse derrière ça. Et il dit ensuite, فَإِذَا أَطَاعُوهُ رَضِيَ عَنْهُمْ وَأَحَبَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِمْ فَاللَّهُ يُحِبُّ مِنَ الْخَلْقِ جَمِيعًا أَنْ يُطِيعُوهُ. Allah, il aime de toutes les créatures qu'ils lui obéissent. Et quand ils lui ont obéi, il est satisfait d'eux. Et il aime de leur part l'obéissance, comme le verset qu'on a lu tantôt, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa in tashkuru yardahu lakum. Donc ça prouve ce point-là. Et il dit ensuite, walakinahu ma sha'aha kawnan wa in aradaha shar'an. Ma sha'aha kawnan, ça veut dire il ne l'a pas voulu dans la création et dans la prédestination, parce que la preuve, ils n'ont pas cru. Comment tu peux savoir que Allah a voulu quelque chose dans la création et dans la prédestination? Eh bien, tu peux seulement le savoir de un après que ce soit produit la chose. Et si ça s'est produit, ça veut dire que Allah l'a voulu. Et Sharan, comment tu fais pour savoir que Allah a voulu quelque chose dans la religion, dans la révélation? Eh bien, ça c'est en regardant dans le Coran et dans la Sunna. Si tu vois que Allah Azzawajal, dans le Coran et dans la Sunna, il dit qu'il aime quelque chose ou qu'il ordonne quelque chose, ça c'est la preuve qu'il l'aime. Hein? Et s'il interdit quelque chose, ou qu'il interdit quelque chose, ou bien il mentionne qu'il n'aime pas quelque chose, ça c'est la preuve qu'il ne l'aime pas. Même si cette chose-là existe dans la création. Donc s'il y a des kuffars, est-ce que Allah aime le kuffre? Non. La preuve qu'il n'aime pas le kuffre, il l'a interdit dans le Coran. Et il a envoyé les messagers et les livres pour l'interdire. Donc quelqu'un ne peut pas venir poser, oui mais s'ils existent, c'est la preuve que Allah il aime ça. Non, il n'aime pas ça, la preuve, il l'a interdit dans le Coran. Et il a dit, il a envoyé les messagers et les livres pour l'interdire. Et en plus, il a mentionné que celui qui fait le kuffre, il a une menace de l'enfer, hein, s'il meurt sur le kuffre. Donc, ça, c'est la preuve qu'il n'aime pas ça, hein, et qu'il est en colère contre ça. C'est ça la différence entre la volonté d'Allah dans la création et la volonté d'Allah dans la révélation. D'accord? Il faut donc faire la différence entre les deux et savoir que une volonté n'implique pas nécessairement l'autre. Qu'est-ce qui arrive dans la création? Allah Azzawajal, il permet parfois à des choses qu'il n'aime pas de se produire dans une sagesse et un plan. Tandis que si tu veux savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, tu te réfères à la révélation du Coran et de la Sunna. Et tu n'utilises pas l'un contre l'autre. Ou tu ne frappes pas l'un contre l'autre. Contrairement aux gens de Bid'a qui, eux, utilisent le Qadar contre le Shara. Parce que si tu fais ça, tu vas essayer de rendre halal tout ce qui est haram. Hein? Par exemple, si quelqu'un il renie le Qadar, il n'est plus croyant. Non, celui qui renie le Qadar, il n'est pas croyant. Pourquoi? Parce que l'Iman bil Qadar, ça fait partie de l'Iman, Arkan al-Iman al-Sitta. Ça fait partie des six piliers de la foi. C'est clair. Si quelqu'un renie le Qadar, il n'est pas dans la foi. Et même Abdullah ibn Omar, quand les Qadariyas sont venus le voir à l'époque des Tabi'in, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus le voir pour lui dire, il y a de par chez nous, je pense vers l'Irak, un groupe de gens qui étudient la religion, puis ils disent, on ne croit pas au Qadar. Abdullah ibn Omar, il l'a dit, ces gens-là, dites-leur que je suis innocent d'eux, je me désavoue d'eux. Ils n'ont rien à voir avec moi, je n'ai rien à voir avec eux. Et il dit, Allah n'acceptera de rien de ce qu'il donne. Même s'il donne la montagne de Uhud en or, Allah va rien accepter d'eux tant qu'ils n'ont pas cru en Al-Qadar. Donc, ça veut dire que celui qui refuse de croire en Al-Qadar, il n'est pas mu'min. Hein? Il n'est pas musulman, ça c'est clair. Parce que ça fait partie des fondements de la foi. Na'am, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Quand quelque chose arrive qui sort de notre contrôle, qui n'a pas, qu'on peut pas, on peut rien faire, hein, on dit qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. D'accord? Et donc c'est ça. Et il dit donc que Allah Azza wa Jal, donc il a réfuté cette secte déviée, et parmi eux également les mushrikoun, qui utilisaient cet argument-là pour essayer de justifier leur shirk, en disant « Si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, ni nos ancêtres avant nous. » Et il dit « Et également, parmi eux, il y a les égarés de la secte des Jabriya, qui, eux, ont exagéré dans l'affirmation du Qada et dans l'affirmation de la volonté d'Allah Azzawajal, au point de nier que les actions que les hommes font sont leurs actions. » Donc, eux, ils disent que les actions qu'on fait, ce n'est pas nos actions réellement, c'est les actions d'Allah. Parce que c'est lui qui nous fait faire qu'est-ce qu'on fait. On n'a pas de liberté, on n'a pas de volonté, on n'a pas de choix. Et ça, encore une fois, c'est un égarement aussi. Et ils prétendent que tout ce que l'être humain fait, que ce soit bon ou mauvais, Allah l'aime et est satisfait, et c'est lui qui le fait. Donc le cheikh, il dit, ça c'est encore plus égaré que la secte des Qadariyas. Hein? C'est-à-dire, si quelqu'un tue quelqu'un, ou quelqu'un vole, ou quelqu'un fait le shirk, ça veut dire que c'est Allah qui le fait. Donc Allah est satisfait de ça. Donc celui qui dit ça, c'est clair qu'il est égaré. Mais comme par exemple, à propos des Qadariyas, et qu'est-ce qu'on a mentionné à leur sujet, quand ils disent par exemple que tout ce qu'on fait, en voulant dire, c'est Allah Azzawajal qui nous fait faire ces choses-là, donc tout ce qu'on fait, c'est bon. On a parlé de cette secte-là déjà dans les cours précédents. Et puis, ces gens-là, en fait, ils utilisent ça juste comme un prétexte, parce que la vérité, c'est que si tu viens pour frapper l'un d'entre eux, puis tu leur dis, ben ça, c'est le qadar, ils vont pas accepter. Ils vont pas accepter ton argument. Ils vont vouloir se venger de toi, puis te frapper à leur tour. Hein? Donc, ça, c'est la preuve que c'est juste des prétextes qu'ils utilisent. Et la même chose aussi pour les mouchrikines qui utilisent l'argument du fait que puisque Allah les a laissés dans le shirk, ça veut dire qu'il était, en voulant dire qu'il était satisfait de qu'est-ce qu'il faisait. Alors dans ce cas-là, si c'est vrai ce qu'ils prétendent, pourquoi il a envoyé les messagers? Pourquoi il a envoyé les prophètes? Pourquoi il a révélé les livres et les révélations pour leur interdire le shirk s'il était Le satisfait de prophète, il ça? ne veut que du bien, il a toujours voulu que du bien pour la personne. Il n'a jamais été mauvais pour la Le personne. problème, c'est pas qu'est-ce que Allah Azzawajal, le fait que l'être humain, le fait que Allah Azzawajal n'a pas voulu du bien pour eux. Le problème, c'est que beaucoup d'êtres humains, ils ne veulent pas le bien eux-mêmes, soit pour eux-mêmes ou pour les autres. C'est ça. Et Est-ce toi le bon Dieu des droits? c'est ça le problème, en fait. En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Au prochain cours, on va continuer avec l'explication de la suite de ça. Et à propos des Jabriya, quelqu'un pourrait poser la question, mais c'est qui ces groupes-là aujourd'hui? Des Jabriya qui disent que l'être humain, il n'a pas de choix dans qu'est-ce qu'il fait, il est forcé de faire ce qu'il fait. Est-ce que ça existe encore parmi les musulmans, des gens qui ont cette croyance-là? Oui, ça existe encore parmi les musulmans. Par exemple, certaines sectes, parmi les soufis, ils ont cette aqida. Et même que lors de la colonisation, et même à l'époque des croisades, quand les chrétiens étaient rentrés dans les pays musulmans, et même dernièrement dans les pays musulmans, lorsque les Français sont rentrés dans certains pays, comme en Algérie et autres, eux, les soufis, ils disaient, ça, c'est Allah qui les a envoyés. Donc, il faut les accueillir, il faut pas les combattre. En voulant dire, puisqu'on n'est pas capable de les combattre, ça, c'est la preuve que c'est Allah qui les a envoyés, donc il faut les accepter. Hein? Et beaucoup d'entre eux même se sont mis avec les Français contre les musulmans. Nasallallahu Donc, il y a les Harkis en Algérie. Puis il y a aussi même Tariqa Tijaniya qui se sont alliés avec les Français contre les musulmans. Et beaucoup d'autres également. Donc ça fait partie de ces gens-là, de ceux qui croient en Wahdatul Wujud. Et aussi, il y a les Jahmiyyah. Mais les Jahmiyyah, bon, ils n'existent plus en tant que groupe comme tel, mais leur croyance, elle persiste encore aujourd'hui. C'est eux les perdants. Ouais, effectivement. Mais l'important, c'est juste savoir que ces gens-là Ça sont dans existe. l'égarement. Il faut savoir qu'ils ont tort et il faut connaître les preuves pour les réfuter. C'est ça l'important. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.